Deuxième livre des Chroniques, chapitre 8. Or il arriva au bout des 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel, et sa maison, qu'il bâtit aussi les villes qu'Hiram lui avait données, et il y fit habiter les enfants d'Israël. Puis Salomon s'en alla à Hamath de Tsoba, et la conquit. Salomon bâtit aussi Tadmor au désert, et toutes les villes de munitions qu'il bâtit à Hamath. Et il bâtit aussi Beth-Horon la haute, et Beth-Horon la basse, ville forte de murailles, de portes, et de barres. Et Baalat, et toutes les villes de munitions qu'eut Salomon, et toutes les villes où il tenait ses chariots, et les villes où il tenait ses gens de cheval, et tout ce que Salomon prit plaisir de bâtir à Jérusalem, et au Liban, et dans tout le pays de sa domination. Et quant à tout le peuple qui était resté des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui n'étaient point d'Israël, d'entre les gens qui étaient restés après eux au pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pas entièrement détruits, Salomon les rendit tributaires jusqu'à aujourd'hui. Mais Salomon ne souffrit point que les enfants d'Israël fussent asservis à faire son ouvrage, mais il était gens de guerre, et principaux chefs de ses capitaines, et chefs de ses chariots, et ses hommes d'armes. Il y en avait aussi 250, qui étaient les principaux chefs de ceux qui étaient établis sur les ouvrages du roi Salomon, lesquels avaient l'intendance sur le peuple. Or Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit, « Ma femme n'habitera point dans la maison de David roi d'Israël, parce que les lieux auxquels l'arche de l'Éternel est entrée sont saints. » Et Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel, sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait bâti vis-à-vis du porche. Et même selon qu'il échéait chaque jour, offrant selon le commandement de Moïse au jour de sabbat, et aux nouvelles lunes, et aux fêtes solennelles, trois fois l'année, savoir en la fête solennelle des pains sans levain, en la fête solennelle des semaines, et en la fête solennelle des tabernacles. Et il établit, suivant ce qu'avait ordonné David son père, les départements des sacrificateurs selon leur ministère, et les lévites selon leur charge, afin qu'ils louassent Dieu, et qu'ils fissent le service, et dans les sacrificateurs selon l'ordinaire de chaque jour il établit aussi les portiers en leur département à chaque porte, car tel avait été le commandement de David homme de Dieu. Et on ne s'écarta point du commandement du roi touchant les sacrificateurs et les lévites, en aucun article, ni en ce qui regardait les trésors. Tout l'ouvrage donc de Salomon ayant été bien préparé, jusqu'au jour que la maison de l'Éternel fut fondée, et jusqu'à ce qu'elle fût achevée, la maison de l'Éternel fut ainsi finie. Alors Salomon s'en alla à Ethion-Guébé, et à Eloth, sur le rivage de la mer, qui est au pays d'Édom. Et Hiram lui envoya, sous la conduite de ses serviteurs, des navires, et des serviteurs expérimentés dans la marine, qui s'en allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils prirent de la 450 talents d'or, et les apportèrent au roi Salomon.